Elle avait la mycose, oui, mais la mycose, oui, mais puruleuse, la mycose, oui, mais puruleuse. Allez, retour de voyage en ascension, comment ne veux-tu pas attraper la mycose, oui, mais puruleuse. Dans sa colline verdoyante, les salopes y aspergeaient régulièrement de pissant en foutre. Elle avait le con toujours humide, le con humide. Ah, les femmes et leurs fontaines, les femmes montaines dans le gland qui poussent les hommes à faire sans réflexion comme des cons qu'ils sont, manipulés en permanence par ces deux êtres diaboliques de glandes paraboliques. Et à leur tour de se choper la mycose, oui, mais la mycose, mais puruleuse, et leurs bâtons puruleux, et les vierges se languissant de leur épave, jalousant ces salopes qui passent les couillons comme des vibromasseurs jetables. On n'est plus à l'ère de pierre, on me dit, ils se rasent, elles s'épilent, et toi, l'ancienne, une touffe velue qui ne favorise en rien ton attribut pourtant si doux et moelleux quand dans son habit de nouveau mis, tu le présentes à ces charmantes qui ne savent pas voir l'appareil, ne pensent plus au conducteur mais qu'à l'engin, et le caressent dans tous les sens, et le tortille, le tire et le mordit, parfois le fende, le fond gonflé, dégonflé, le pompe et le lèche, et le suce et le regarde quand la giclée le tire encore. Et n'avez-vous jamais vu ce jeu télévisé avec des boules dans un sac, dans une sorte de saladier, enfin avec des numéros et un et deux qu'elle ne faut pas surtout attraper. C'est la noire, la candidate, le candidat malaxe de la main cherche quelle boule pourrait attraper sa main. Quel jeu érotique, quel jeu tu sais, ses bouches ouvertes pour avaler le foutre, ce liquide qui ressemble à du gel douche. Où ont-ils copié pour fabriquer ce liquide visqueux? Oui, vise, car il faut bien viser pour qu'il reste sur ta peau le temps de savourer, non de savonner, ton corps te caressant, te touchant parfois, un doigt dérape et rentre là, là. Non, personne n'a rien vu, non, alors deux, et ta prostate, à force de dire qu'il faut un examen de la prostate pour déceler un cancer, on fait devenir les hommes virils des pédérastes quand ils ont vu la sensation que ça procure. Alors la condescence passe en second et se faire chevaucher que monter en selle sur selle de belles juments. Et de qu'est-ce qu'elles en récoltent d'avoir un trou ouvert comme un évier sans un piston pour combler? Alors entre elles, elles se concentrent sur ce truc, enfin ce machin, enfin bref, ce machin truc oublié par les hommes depuis des millénaires. Elles se consacrent à l'exalter, le faire vibrer avec des cylindres en plastique un peu froid quelquefois. Et quelle jouissance, tu ne vois rien mais le plaisir est là, elles jouissent et font des bruits ou des ah oui, oh oui, ou autres négatifs ou positifs, mais elles aiment ça sous la douche, mais dans un bain, elles y passent du temps. Pas comme les hommes sous la douche se branlent en 5 minutes et terminent débarrassés. On est purgé pour la journée. Non, elle, ça peut durer d'orgasme en orgasme jusqu'à ces femmes fontaines qui les appellent sur les sites spécialisés. Oh, tu connais, la pornographie a toujours existé depuis que les voyeurs existent et les exhibitionnistes se laissent regarder, enfin, tant de perversité. Et exalte ce peuple tant de débauches et d'éruptions cutanées. Protégez-vous, pensez-y. Les maladies vite attrapées, mais pour guérir d'une pipe entre deux voitures ou une levrette sur le parking de la boîte de nuit. Un jour, baiser, baiser, oui, baiser. Mais à quel prix ? À quel prix ? L'homme avait, en voyant ses femmes, avait tout compris. Car leur appétit sexuel était bien moindre. Les tentations que ça procure en étaient apaisées. Mais quand tu les vois dans les rues, un râle-paquet, le décolleté, laissant dévoiler leur lingerie fait de dentelle et leur corps excitant de santé, toi, homme, quel attribut as-tu pour contenter, pour concurrencer l'autre, l'autre, plus jeune, ou plus expérimenté, ou plus m'as-tu vu, ou plus vantard, que ta voiture, que ton costard, ou les payer pour les choper. Qu'importe la religion, pour te muscler, un anarchiste, non, un ami s'est retiré des tentations. Mais tant que l'homme aura ses burnes et les femmes ses ovaires, les pulsions seront grandes, nudistes. Il y a moindre mal, la tentation des formes, du non-dit, du non-vu, sous les jupes, du gonflé de poitrine et du mollet touchant, de la fesse au gland, du clitoris et le pubis. En fait, c'est que des illusions, matraquées par le non-dit, les publicistes, les médias et leurs convictions pour vendre. Et toi, là-dedans, conflit de l'âme, tu ne te sens pas à ta place. T'es où ? T'es où ? Dans ce monde de fornication à l'écran. Mais en vrai, plus de frustration, plus de frustré que d'épanoui, plus de suicidé que de vivant. La vie choisie, sans compromis, sans diktat, sans conflit, bite ou vagin, rien n'est malsain. Au tout début, sans la conscience, sans l'humain, l'être pour pervertir les choses, les faits. Baisons, baisons, ou ne baisons pas. On peut attendre, on peut se mettre au vert. Faire comme les autres, frustrer et critiquer. Critiquer l'autre. C'est vous les glandeurs, vous qui n'osez pas. C'est vous les glandeurs, vous qui n'osez pas, c'est vous. C'est pas celui qui a fait et qui sait, qui n'a rien à prouver aux autres, il se l'est prouvé à lui. C'est vous les glandeurs, c'est vous les glandeurs, vous qui n'osez pas, c'est vous qui avez fait comme les autres. Et qui avait laissé passer vos rêves, et d'ailleurs qui n'en avait peut-être jamais eu, qui n'en avait plus, n'en avait jamais eu. Que des rêves préconstruits depuis l'enfance par les autres, on vous a dit c'est ça ta vie, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Jamais un rêve d'into the wild, into the wild, jamais. Jamais prendre les chemins de travers, jamais ne voyager que par autoroute, jamais aller chercher derrière le rideau, jamais derrière le rideau, jamais rester intact, compact, vous bougez sans bouger. Si tu vas à Paris, tu fais quoi, hein? Une photo, toi devant la tour Eiffel, hein? Obligé, obligé, et c'est partout pareil. Tu ne bouges pas, t'es figé. T'auras les mêmes choses dans la tête que les autres à la fin. C'est ça la vie? C'est ça les autres? Pense-y, pense que rien n'est figé. T'es pas obligé, t'es pas obligé. Non, t'es pas obligé. Se mentir à soi-même. Ce monde, c'est pas toi. La terre, le cosmos, la pensée, la réflexion, c'est ta seule arme contre l'ennui. C'est la seule arme, la seule, contre l'ennui, contre les autres, femmes et leurs frustrations, les hommes et leur envie, les femmes et leur flatterie, les hommes et leur conflit. Qu'importe la distance avant de trouver l'abri qui te mûrira, qu'importe l'obstacle et sa grandeur si l'on contourne, qu'importe l'énergie dissipée à un simple carrefour, qu'importe la moiteur de ton corps sur le mien si un autre prend ma place, qu'importe la frustration figée et l'Ancien Testament, qu'importe si l'arrosoir est percé, que les créatures soient dispersées. Sois discret à l'ombre du jour. Sois discret. Confrérie, groupe de gens qui spéculent et se sentent invulnérables au-dessus de la masse, supériorité, élévation de l'âme. Tu parles manipulation mentale, à défaut d'existence. Se surestimer car la peur n'est rien. Être l'autre, la peur de la mort, que rien n'existe après. La peur de pouvoir être. Mais que l'autre, celui d'à côté, celui qu'on connaît, va vouloir se confondre, vouloir être unique, vouloir être l'unique. Le seul qui a, qui est, qui fut, qui reste, le seul, ultime, Dieu. Mais qu'est-ce que tu es au fond, attire à conscience de son existence, matière qui se libère, vouloir en éternité, mais rien en rien. Se transformer en cosmos céleste. abolir les pouvoirs, abolir la conscience humaine, l'être humain, lui enlève la pensée et sa mémoire. Il redeviendra sauvage, animal, comme je suis, moi, sur cette branche. Je pense, moi, grand duc, la nuit, je te vois avec tes compagnons. Et je viens te voir, toi, qui es moi, toi, qui me vois. Je repense à quand j'étais toi, à quand j'étais toi, à quand j'étais moi, en compagnie, accompagné de gens. J'étais seul, accompagné d'animaux. J'étais heureux, j'étais en vie, car j'étais accompagné de moi et de mes pensées. Je comprends ce que je pensais. Se comprendre, j'ajoutais. Et toi, quel être crois-tu que tu sois? Repentis-toi, ou pends-toi, ou pends-toi. J'en ai fini. Je m'envole vers d'autres moi.